Radiomatic. C'est au Britannique Andrew Coleman que les sonoristes ont laissé le soin d'amorcer cette transmission 252 d'Audiomatic avec sa composition Soluble Docs, extraite de son premier album Design and Mistakes, paru en 1997 sur étiquette Ninja Tune. Avec chaque transmission d'Audiomatic, les sonoristes s'imposent la seule limite de n'en avoir aucune. Et ce principe a mené à débuter la prochaine séquence avec la collaboration entre Paul Banks et Bobby Steels. The energy, I fight for this victory. You die in your iniquity. Ice cooker, cooker cold on the battlefield. 20 below, motherfucker, that's the wind chill. 1,000 men, they come and they fall. One by one, call the preacher, the mortician. You can't stop this coalition. It's like I'm fighting against the prohibition. In the sunlight bomb, you see that sword glisten. My lucky friend says your luck. It's an old dirty cousin, a student of a law justice. Force of my mind caused the atom bomb to crush us. I bathe in the moonlight, gave praise in the sunlight. Steamed up a tomb strike at midnight to the noon light. Oh, what a life, with just a butter knife. They could hijack your crew, destruct, interrupt your life. Then raise the price of grass, hash, gas, and rice. I send a white square bishop to sacrifice tonight. Thank you. kan wole gamba se eri mango bala nengo iru lombo ba tambo ka yek ka gane ba oko ido no wubala gambuta yamba no bala nengo ka ke tamba de bala nendesa iru lombo bala nengo ka nenem gubaza se yo nenem gubaka herapa korepa da frutere ya ya ligi Yalla uboka lihi Ya uba sete Nana ngubele kaho Idara mune sele Mane nemu kubela gowe Tamen ure bohaza Mane nubu uba boho bo Tumu bete ga Mune hota zeta Dilo uba te sa Pele minga ma ure boheka Diba uba sehe Nane nemu make keka Mana ul de boba kaka pa seta pobere hu tepeke tena gu le besa tena gu a besa mena gu mana u de se pere toma ruba ta keke dende ha ha ha ha tu vifi he tu wiu mambeti Le roue baisse mon idée de mouvel n'est de la rubica homo, maintenant on me sait le de l'oumanga hété, de l'oubique, I know the answers are no longer far. à Audiomatic, le duo parisien de Do vient tout juste de clore ce segment musical avec sa chanson Bohemian Dances, tirée de son deuxième album Both Ways Open Jaws, lancé en 2011. Précédemment à The Do, vous avez peut-être reconnu Bobby McFerrin qui nous interprétait la pièce Cara Mia, que l'on retrouve sur son album de 1986 Spontaneous Inventions, qui porte très bien son titre, puisque la majorité des pièces qui le composent sont improvisées et ont été captées en concert au Aquarius Theater de Los Angeles. Et pour débuter, il s'agissait de Banks and Steels, soit la collaboration entre Paul Banks, le chanteur d'Interpol, et du rappeur Bobby Steels. Nous entendions la chanson One by One de leur unique album Anything But Words, sorti en 2016. Après que le groupe punk américain Husker Du se soit séparé en 1987, après 8 ans d'existence, le chanteur Bob Mould a décidé de faire carrière solo. C'est justement de son premier album solo Workbook, paru en 1989, qu'est tirée la chanson Dreaming I Am, que nous écoutons à l'instant à Audiomatic. Yeah. reason that I come here is to comfort the king. Everyone is innocent like a priest. Throw us to the wolves, eating all the flesh, eating every bone, drinking every blood. Conclusion de ce bloc musical à Audiomatique, nous avons choisi de vous présenter le sextuor danois Alcoholic Faith Mission et sa chanson Throw Us to the Wolves, qui ferme son cinquième album Ask Me This, lancé en 2012. Nous avons également entendu tout juste avant le groupe californien Black Rebel Motorcycle Club et sa composition Awake, extraite de son premier album BRMC, sorti au printemps 2001. Et pour amorcer le tout, Bob Mould, ex-chanteur du groupe Husker Du et également Sugar, nous présentait sa chanson Dreaming I Am, parue sur son premier album solo intitulé Workbook. Allons-y maintenant en musique audiomatique avec le défunt groupe canadien Handsome Furs. Oh, how you're trash from the city drifts through the parking lot and floats up to the sky. is the cousin of death. Least that's what Nas said. Sleep is a state of mind, and to know is to be on your way. I bought some bad drugs off this snotty little rape kids I met. I shuffled off to Buffalo. Surrender, surrender to me. Nous avions droit à Audiomatic, à deux pièces du groupe américain The Afghan Whigs, soit dans l'ordre la chanson Omerta, suivie de la pièce instrumentale de Vampire, La Noix. Ces deux pièces proviennent du même album, soit 1965, sixième album du groupe paru en 1998. Et ce qui précédait The Afghan Whigs, c'était le défunt groupe canadien qui a été fondé à Montréal, Handsome Furs, qui était formé de Dan Buechner, chanteur et guitariste du groupe Wolf Parade, et de sa copine de l'époque, l'écrivaine et musicienne Alexis Perry Cox. De leur premier album, Plague Park, lancé en 2007, nous vous avons fait entendre la chanson « Dumb Animals ». Nous bouclerons, dis-je, la boucle de cette transmission 252 d'Audiomatic avec la formation brooklynoise The Pains of Being Pure at Heart et leur chanson Strange de leur deuxième album Belong, qui est sorti il y a plus de 8 ans, soit en 2011. Malgré que la fin soit proche, sachez que la transmission 253 d'Audiomatic sera présentée dès mercredi prochain à 17h sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Nous vous invitons également à visiter nos plateformes mixcloud.com/audiomatic et facebook.com/audiomatic-CFOU pour entendre ou réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Vous pouvez aussi nous écrire pour peu importe la raison à l'adresse audiomatic-CFOU@gmail.com. Voici donc The Pains of Being Pure at Heart et la chanson Strange. C'était Audiomatic avec les sonoristes.